Chapitre 4. L'îlot. Vamiré, fils de Zom, malgré sa jeunesse, était l'étonnement de la horde des Bzan. Chasseur subtil et puissant, beau de stature et fort comme l'auroch, il possédait aussi les dons mystérieux de l'art. Les formes de la bête et de la plante captivaient sa rêverie. Il était celui qui rôde seul sur les collines et qui marche à travers la forêt ou vogue par le fleuve ou les ténèbres pour la joie de surprendre les choses secrètes. Les dolichocéphales d'Europe ne faisaient point riser de tels hommes, et ils tenaient en profonde estime Vamiré, pour savoir manier le burin qui grave sur l'os et la corne, et le ciseau qui taille le bois et l'ivoire en rondes bosses. Amoureux de son art, il était devenu le plus renommé des artistes parmi les tribus qui arrivaient, vers le printemps, dans l'Orient méridional. Des jours, des semaines entières, il se dérobait du milieu de ses compagnons, explorant des solitudes, travaillant en quelque lointaine retraite. Et les œuvres qu'il ramenait de ses errances faisaient le charme de sa horde. Ni Zom, son père, ni Namir, sa mère, ne s'inquiétaient trop de ses absences, dans une foi diffuse en sa fortune. Or, un matin, il s'embarqua sur le fleuve et se mit à descendre en aval dans sa grêle embarcation tremblante au moindre remous, qu'il poussait à coups de pagaie. À mesure qu'il perdait de vue le repère des troglodytes, le fleuve s'élargissait, moins profond, des quartiers de rocs entrecoupant sa marche, vêtus de mousse et de lichen. Là, l'hymne des grandes eaux, la basse grave du courant, les rumeurs de la pierre, une magie de résonance, parfois les blocs rangés en symétrie architecturale, en salles ouvertes aux quatre vents où sanglotaient des voies d'abîme. Sur les rives vierges vint la forêt, en lisière de saules fragiles, en peupliers grisailles, frênes pleureurs, bouleaux sur les tertres, et à l'arrière les populations d'arbres géants, le cosmos des lianes et des plantules en lutte, le mystère de la nature créatrice, des forces libres, les renaissances sur l'humus millénaire, dans les demi-ombres de temples et d'embuscades, où palpite à perpétuité la joie, la terreur et l'amour. Vamiré abandonna sa pagaie, étreint par la solennité du spectacle, heureux du vacillement des ombres arborisées sur l'onde, de la senteur sauvage de l'endroit, tandis que des mufles d'herbivores glissaient entre les fûts et les herbages, que des bandes d'esturgeons remontaient le courant, rasaient les blocs erratiques. Cependant un îlot apparut. Vamiré se remit à pagayer. Dans un havre, au bord méridional de la petite île, il engagea son canot, l'amarra parmi les saules. Des batraciens, des poules d'eau, une sarcelle s'effarouchèrent. Vamiré écarta les feuillages, se trouva dans un coin libre où la terre semblait piétiner, les herbes sauvages sarclées intentionnellement. Un sourire parut sur sa face pendant qu'il plongeait sa main dans le creux d'un aune. Il en ramena des grattoirs, des lames, des pointes de silex, des morceaux d'os, de cordes, de bois de chêne. Un instant, il resta en contemplation devant une statuette, vague encore, dont le sommet de la tête, le front, les yeux, approchaient de l'achèvement. Une béatitude le secoua, religieuse, esthétique. Elle sera terminée avant la pleine lune. Puis il jeta son manteau, alla prendre dans son esquif les dents et les os qu'il avait apportés, et plusieurs minutes hésita s'il continuerait la statuette ou s'il travaillerait à des gravures. Les canines du Spéléa le tentaient particulièrement. Il les prit, les reprit plusieurs fois. De la pointe aiguë d'un burin de silex, il ébaucha des contours imaginaires, l'œil cligné, la lèvre entre les incisives. Puis, épiant l'entour, flânant par l'îlot, il parut chercher quelques modèles, arbres, oiseaux, poissons. Une fleur dans une anse, une grande renoncule aquatique à pâle corolle, il l'accueillit, l'examina. Une douceur intelligente, une finesse d'être en contact cérébral avec la nature, une songerie d'artiste plissait son front et ses paupières. Grands pétales au vernis discret, subtils anthères, pédoncules nuées de roses, il goûta ces choses en amoureux de la forme, à rétine voluptueuse, mais surtout les lignes terminales, les contours que son burin pourrait reproduire, les frontières de la fleur. L'apposant, l'étayant de branchettes, il s'essaya à lui redonner sa pose naturelle et il aiguisa son outil. Enfin, tenant une des canines du Speléa dans une absorption profonde, une passion grave, il commença de tracer un profil léger, une esquisse de la renoncule. Sûre et tactile, sa main musculeuse d'athlète se prêtait au travail de l'or. Déjà venait un tracé gracieux, le déploiement des pétales, les points des anthères sur les hampes frêles. Ému, Vamiré s'arrêta, la lèvre prise plus nerveusement entre les incisives, l'œil entrefermé. Les minutes avaient été bonnes. La fleur apparaissait aimable sur le fin ivoire. L'homme rit à voix basse, se pressa la poitrine entre ses bras. Mais bientôt, mécontent de quelques traits, il les effaça au grattoir, les recommença, tant qu'une contrariété vint à naître. La lutte, le moment où le labeur se fait dur, empreint de colère. Avec des gestes d'enfant colosse, des reproches à la matière, des chutes de bras au long du torse, deux ou trois fois il jeta le burin. L'opiniâtreté de sa race le ramenait bientôt au travail, tant qu'il finit l'ébauche, parvint à corriger les lignes maladroites. Là, alors, il se leva. Il ne voulut plus regarder son œuvre. De la mélancolie envahit son cerveau, une humilité devant la nature. Longtemps il resta près du fleuve. C'était la grande époque fécondeuse, l'eau pleine d'un tumulte de bêtes inférieures, beaucoup venues de la mer et remontant les courants. Les crues de l'équinoxe, depuis plus d'un mois, avaient cessé. Les branches et les troncs d'arbres déracinés devenaient rares. Midi monta. Le grand soleil, les ombres rapetissées, l'air tremblotant de chaleur, de colonnes d'air ascensionnelles, mais dans la moiteur de l'îlot, sous les saules et les zones frais, cette heure fut charmante. Là-bas, sur la rive lointaine, une grande bête cornue se montra, en qui Vamiré reconnut l'auroch. Il avança sans hâte jusqu'au bord du fleuve, au long d'une sorte de jetée pierreuse. Le cœur du chasseur tressaillit à la vue de l'énorme mammifère. Il admira son crâne large penché sur le fleuve, ses jambes hautes, sa poitrine musculeuse. « Hé oh ! Voici Vamiré ! Vamiré ! » cria-t-il à la bête d'une voix retentissante. L'auroch releva la tête, étonné, et le nomade reprit. « Vamiré te laisse vivre !» L'auroch, ayant fini de boire, s'en alla. Vamiré avait apporté une tranche d'urus, cuite d'avance pour la conservation. Il l'avala, se laissa couler sur le sol et s'endormit. Après un temps indéterminé, un frôlement l'éveillait en sursaut. Il vit s'enfuir une demi-douzaine de rats aquatiques. Il se dressa d'un bond, les yeux éblouis, songea tout de suite à la gravure inachevée de la canine. Quand il la reprit, sa surprise fut douce. Au lieu de l'ébauche douteuse qu'il imaginait, c'était un dessin ferme, exact, aux lignes élégantes. Il reprit le burin, il approfondit les contours avec soin, puis, creusant un trou de suspension à la racine de la dent, il sourit de joie devant son nouveau bijou. Seulement pour ce jour, sa puissance créatrice était épuisée. Il tenta en vain de reprendre la statuette. Un bâillement invincible, une maladresse continue, accompagnait chacun de ses efforts. Découragé, il remit ses matériaux et ses outils dans le creux de l'aune. Il leva les yeux au firmament pour calculer l'heure. Le soir était loin encore, le soleil à mi-route du couchant, quoique déjà descendit une fraîcheur dans le prolongement des ombres. Les némocères vibraient en colonnes. Des nuées translucides se formaient au-dessus de la forêt. Alors un ennui alourdit le cœur du dolico. Un ennui de santé trop riche, de force accumulée. Des vœux sans forme errèrent dans son crâne, désirs de chasse, de travaux périlleux, de génération. Les pays de là-bas, à l'aval du fleuve, au-delà des forêts, le tentèrent. Inconnu de sa race, il en eut la curiosité âpre, hasardeuse et puérile. Pourquoi n'irait-il pas voir? Dans sa jeunesse hardie, encline aux rudes entreprises, accoutumé aux errances solitaires, dans son cerveau d'artiste fruste, aux imaginations brûlantes, l'envie germa, grandit, se précisa. Alors avec soin il inspecta ses sagaies, sa massue, son harpon à deux rangs de barbelure, s'assura qu'aucune voie d'eau ne menaçait son esquif, et reprenant la pagaie, allègre, il se rembarqua. À mesure qu'il avançait, la forêt se faisait plus dense, les rives moins définies, faites d'humus vaseux, d'alluvions trop meubles, de décombres sylvestres. L'onde noirâtre allait plus tardive. Les blocs avaient disparu. Des arbres vieux de 1000 ans se dressaient par intermittence. De grands sauriens dormaient sur les promontoires, et la clameur des perroquets couvrait les chuchotements augustes de la vie.